Alors, nous poursuivons notre étude des critiques adressées à la psychanalyse et aux idées freudiennes. Et donc, deuxième type de critique, des critiques d'ordre théorique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont des critiques relatives aux idées que la théorie de Freud véhicule, aux principales affirmations avancées par Freud. Et ça, nous allons notamment nous appuyer sur les travaux qui sont menés dans le cadre des sciences cognitives contemporaines, de la psychologie cognitive, hein, qui est un autre courant de la psychologie que la psychanalyse. Et la psychologie cognitive a remis en cause un certain nombre des idées défendues par Freud. Alors, on pourrait citer le neuroscientifique Lionel Nakache, qui compare Freud un petit peu à Christophe Colomb. Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique en croyant arriver aux Indes. Et bien, un petit peu de la même façon, Freud a découvert l'inconscient, en tout cas, comme on l'a vu, d'autres en avaient parlé avant lui, mais il s'y est beaucoup intéressé, il a essayé de mettre en avant cette notion d'inconscient, mais il lui a attribué des propriétés que cet inconscient n'avait pas. Et donc de nombreux aspects de la théorie freudienne, finalement, ne trouvent pas d'écho dans les travaux contemporains, les travaux empiriques qui sont menés sur le fonctionnement de l'esprit, sur le fonctionnement du cerveau. Et en fait, les idées freudiennes, un certain nombre, ne sont pas confirmées. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont fausses, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'elles soient vraies, et on a même plutôt tendance, enfin les résultats ont plutôt tendance à les contredire. Voilà. Il ne s'agit pas forcément d'une réfutation pure et simple, mais en tout cas, on peut sérieusement remettre en doute certaines des idées mises en avant par Freud et présentées par Freud comme des vérités absolues. Alors, première idée de la théorie freudienne qui est contestée, qui est remise en cause, c'est l'idée que l'inconscient fonctionnerait d'une façon un petit peu autonome. On a vu un petit peu, Freud, il nous donnait cette idée d'une représentation topique de l'esprit, comme s'il y avait plusieurs lieux dans l'esprit. Voilà, on avait dit la métaphore de la maison. Il y a les pièces ouvertes, c'est le conscient, et les pièces fermées, c'est l'inconscient. Comme si l'inconscient, voilà, il y avait vraiment un monde à part, comme si notre esprit était coupé en deux, entre d'un côté le conscient et l'inconscient, avec l'inconscient qui aurait ses propres intentions, hein, c'est-à-dire les pulsions du ça qui modifient la conduite de l'individu. Et donc, là, Nakache nous dit que Freud, en quelque sorte, il hypostasie l'inconscient, c'est-à-dire qu'il en fait une chose, il en fait une entité autonome. Chez Freud, on a un petit peu l'impression que l'inconscient, c'est comme une deuxième personne cachée en nous, qui a ses propres envies, ses propres désirs, et qui, à certains moments, se manifeste. Bon, mais ce que souligne Nakache, c'est que la conscience et l'inconscient, ce ne sont pas vraiment deux instances séparées. Ce n'est pas comme si l'esprit était coupé en deux avec deux parties complètement étanches ou quasiment étanches. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que la conscience et l'inconscient, c'est plutôt deux modes, c'est deux modalités que vont avoir les états, des états psychologiques, des représentations, selon les étapes de leur traitement par le système cognitif, c'est-à-dire par le raisonnement, par la capacité d'analyse de notre esprit. Et donc une même représentation, elle pourrait être tantôt consciente à un moment donné, puis devenir inconsciente, puis redevenir consciente, enfin, etc., ou l'inverse. Voilà, par exemple, ces phénomènes qu'étudie Nakache sont les phénomènes visuels. Donc, on a certaines représentations qui deviennent conscientes de façon progressive, où une information est perçue au départ de façon inconsciente, puis se manifeste de façon consciente à l'esprit par une représentation. Mais ce n'est pas une donnée complètement séparée. Donc, l'inconscient, ce n'est pas une instance, voilà, ce n'est pas une entité, hein, comme un être à l'intérieur de moi qui existerait dans l'esprit. On doit davantage parler de processus, hein, il y a des processus cognitifs qui se déroulent, dont une partie de ces processus sont inconscients, une autre partie est consciente, et au sein d'un même processus, on peut avoir une représentation qui passe par des phases où elle est consciente, puis inconsciente, ou l'inverse. Mais on ne doit pas voir comme Freud vraiment cette idée d'une séparation, d'une coupure de l'esprit en plusieurs strates, hein, plusieurs lieux, comme il disait. Alors, deuxième idée de la théorie freudienne qui est contestée, qui est remise en cause, c'est l'idée que l'infantile serait la source de tout l'inconscient. Hein, et puis surtout la sexualité infantile, on se souvient. Ça avait été déjà remis en cause par certains de ces... de ses disciples, notamment Carl Jung avait critiqué cette idée de, d'un inconscient complètement structuré par, par la sexualité. Mais une autre idée qui est contestée nos jours, c'est le rôle de l'enfance. Pour Freud, toute la structure de la psyché se forme dans la petite enfance. Ce sont les expériences du petit enfant qui vont déterminer sa personnalité, ses désirs inconscients, ses troubles futurs. Alors certes, on peut accorder une certaine importance à des événements vécus dans l'enfance, mais il n'y a pas de raison de penser que la totalité de la personnalité serait fixée à ce moment-là, qui, selon Freud, qui est fixée au travers du dépassement ou du non-dépassement du complexe d'Œdipe, et ce serait ce complexe d'Œdipe qui déterminerait en fait toute la structure de la pensée. Alors, en fait, ce complexe d'Œdipe, il est très très contesté, même pris en un sens très métaphorique, très symbolique, comme essaie de le défendre parfois Freud. Alors c'est parfois délicat de savoir dire quel est le statut exact de ce complexe d'Œdipe, mais enfin, même si on le prend en un sens très métaphorique, eh bien aujourd'hui, ce complexe, bon, il est assez discuté, il n'est pas vraiment confirmé par les preuves empiriques. Et puis, d'autant, on pourrait dire que le schéma familial sur lequel repose ce complexe d'Œdipe, avec cette idée de d'un côté la mère aimante que l'enfant veut posséder, le père dominant dont l'enfant a peur, et le père dominant qui incarne l'interdit, la règle, bon, bah, en fait, c'est un schéma familial qui est très relatif, qui correspond, si vous voulez, peut-être au climat social dans lequel vivait Freud, Bon, sans doute, on peut penser que Freud, il a en quelque sorte généralisé un schéma familial qui était propre à la famille bourgeoise viennoise du début du XXe siècle. D'ailleurs, c'était une critique qui était formulée à l'époque par un certain nombre de sociologues, notamment des gens qui étaient un petit peu d'inspiration marxiste, qui disaient, voilà, en fait, Freud plaque sa lecture de classe, en fait. Freud a une vision de l'individu et de la famille qui est la vision bourgeoise, en fait, mais il ne prend pas en compte d'autres modes d'existence, et donc d'autres formes de personnalité, mais qui seront déterminées peut-être par la classe, en fait, par la vie sociale, le milieu social de l'individu. Donc voilà, cette idée d'un inconscient qui est déterminé dès l'enfance, et en fonction d'un schéma qui est celui du complexe d'Œdipe, on voit que ça, c'est une autre idée freudienne qui est très critiquée. En fait, troisième idée qui est critiquée, qui est remise en cause, qui est contestée, c'est cette idée du refoulement. Donc on l'a vu déjà chez Popper, enfin la critique popperienne soulignait qu'en fait cette idée de refoulement, elle pouvait difficilement être réfutée, son caractère scientifique qui était quand même assez douteux. Mais aujourd'hui, avec les travaux contemporains de sciences cognitives, on n'observe pas cette idée d'un processus actif de refoulement, c'est-à-dire un processus non conscient par lequel certaines idées seraient censurées, seraient empêchées de s'exprimer. Bon, bah, les travaux contemporains ne trouvent pas de preuve de l'existence d'un tel mécanisme involontaire de contrôle des pensées qui serait trié, tantôt rejeté dans l'inconscient, lorsque le supposé surmoi les identifierait comme incompatibles avec les normes intériorisées par l'individu, tantôt il serait accepté. Bon, voilà. Une fois encore, les travaux actuels, ils suggèrent plutôt que toute pensée est susceptible de passer de l'inconscient à la conscience ou de la conscience à l'inconscient sans qu'il y ait un mécanisme aussi rigide. Et on n'a pas de preuve que ce refoulement existe réellement. Alors, encore une fois, le fait qu'on n'ait pas la preuve de quelque chose, ça ne veut pas dire que cette chose n'existe pas, hein. On ne peut pas prouver qu'une chose n'existe pas tant qu'on. C'est peut-être que ça existe, mais enfin, on a quand même de sérieux doutes parce qu'on n'a aucune preuve qu'elle existe. Voilà, c'est un petit peu ça. On envoie la charge de la preuve au psychanalyste, bah, prouvez-nous que ça existe. Jusqu'à maintenant, c'est pas ce qui semble être, c'est pas ce qui semble se passer réellement dans l'esprit. Donc, on a de sérieux doutes quant à l'existence de ce mécanisme de refoulement. Enfin, bon, on pourrait mentionner un troisième type de critique sur lequel je m'attarderai un peu moins. Donc, après les critiques épistémologiques sur la méthode, sur le caractère scientifique de la psychanalyse, et puis des critiques d'ordre théorique, c'est-à-dire sur les idées véhiculées par la psychanalyse, il y a un troisième type de critique qui est formulé, qui porte plutôt sur l'aspect thérapeutique, c'est-à-dire sur des critiques qui sont relatives aux soins que Freud et les psychanalystes prétendent à procurer aux personnes malades. En effet, Freud n'a pas seulement cherché à construire une théorie de l'esprit humain, il prétendait également tirer une thérapeutique, c'est-à-dire une méthode pour soigner un certain nombre de troubles psychologiques vécus par ses patients. Et comme on l'a vu pour Freud, les troubles psychologiques, ils auraient pour origine les traumatismes inconscients refoulés par les individus. Et le but de la cure psychanalytique, c'était de permettre aux idées inconscientes, à l'origine du mal-être d'une personne, de passer de l'inconscience à la conscience. C'est-à-dire que la cure, ça résidait dans un échange entre le patient et son psychanalyste, le patient de mettre en récit sa propre vie, raconter ses rêves, son enfance, de façon à progressivement faire ressurgir les contenus inconscients, alors par association, au travers de ses lapsus. Voilà, il devait y avoir le contenu refoulé devait surgir à la conscience, de façon à faire apparaître le traumatisme qui avait été refoulé, et c'est avec l'idée qu'il y aurait une libération de la personne par la parole. Le fait de raconter le traumatisme, de le mettre en récit, ça permettait de s'en libérer. Alors cependant, cette méthode, eh bien, elle est critiquée du point de vue de son efficacité, hein. Bon, alors, une défense qu'ont obtenue les psychanalystes, c'était de dire que bon, c'est pas forcément, faut pas forcément comprendre la guérison comme un être mieux. Bon, c'est assez discuté, mais enfin, bon, si on se dit que voilà, une méthode psychologique, ça doit soigner des troubles, les personnes doivent aller mieux, eh bien la psychanalyse, elle paraît pas toujours très efficace, en tout cas beaucoup moins que d'autres types de thérapies. Et donc par exemple, voilà, les sciences cognitives, elles mettent en avant bah, des thérapies qu'on appelle cognitives comportementales. Eh bien, si on regarde juste en termes de résultats sur le nombre de personnes guéries au bout une certaine durée de thérapie, les résultats donnent une bien meilleure efficacité pour les thérapies cognitives comportementales que pour les théories psychanalytiques. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que la psychanalyse n'a aucune valeur, mais en tout cas, ça la remet considérablement en question, et ça doit aussi nous amener à discuter son statut au sein des différents courants de la psychologie. Et notamment, il y a certains pays, en particulier la France, mais aussi l'Argentine, dans lesquels la psychanalyse exerce une grande influence sur la psychologie de façon plus générale, alors que en réalité, voilà, il y a d'autres courants qui sont peut-être plus solides d'un point de vue théorique, d'un point de vue épistémologique et d'un point de vue thérapeutique, et qui doivent nous amener à prendre peut-être nos distances vis-à-vis des idées avancées par Freud et par ses disciples à sa suite.